Le fauteuil de ma grand-mère. Aussi loin que me reportent mes souvenirs d'enfance, je vois la grande croisée aux vitres étroites, s'ouvrant sur le jardin, où je jouais en soucieuse avec ma petite sœur, où nous poursuivions, sous l'ardeur du soleil, les papillons aux ailes brillantes. Une vigne l'entourait de ses rameaux serrés. En automne, de lourdes grappes pendaient devant elle, et, montant sur les genoux de l'aïeule assise dans sa grande bergère, je me hissais jusqu'aux grains dorés et les mordais de mes dents pointues comme celles d'une jeune souris. La chambre était située au second étage, et non seulement de cette croisée on plongeait sur toutes les allées, sur la pelouse où traînaient les branches élégantes d'un jeune sapin, mais on apercevait à droite la colline chargée de pommiers, qui s'inclinait gracieuse, et la verdure des arbres de la côte plus lointaine, qui fermait comme un rideau cette riante perspective. J'avais 5 ans. Je m'asseyais chaque jour sur un petit tabouret aux côtés de ma grand-mère. Je lui enfilais ses aiguilles avec une dextérité dont j'étais extrêmement fière. J'écoutais ses histoires, je lui en lisais même en annonçant parfois quelque peu, mais la chère femme était indulgente et affirmait que la Belle au bois dormant prenait un intérêt tout nouveau en passant par ma bouche. Ce n'était pas une aïeule comme on en voit souvent, aux cheveux tout blancs, à la voix douce, à la taille courbée, avec quelque chose dans toute leur personne d'effacé comme un rêve. Non, celle-ci était très droite encore, et son tour de cheveux foncés donnait même une teinte un peu dure à son visage. Ce tour avait eu de cruelles péripéties. Elle l'avait brûlé un jour en le faisant chauffer dans le four du poêle. Mais, ainsi qu'au couteau de Jeannot on fait remettre un manche, elle avait fait remplacer les boucles cuites et c'était toujours le même. Je la vois encore coiffée d'un bonnet à fleurs, enveloppée d'un petit châle fond noir à fantastiques dessins vert et rouge, ses accessoires comme tabatière, mouchoir de poche, étui à lunettes, déposés de chaque côté de sa bergère sur 2 chaises ad hoc, où il se rencontrait avec l'étui, le coton, les ciseaux, reprisant à grands points les torchons que Thérèse, notre cuisinière, était loin de ménager à son gré. J'entrais dans cette chambre chaque matin, et m'avançant vers l'alcôve toujours sombre, je disais un timide « bonjour, grand-mère », puis je m'échappais au plus tôt. À cette heure-là, j'accomplissais un devoir que je trouvais presque pénible, car mon imagination peuplait de gnomes plus ou moins effrayants les profondeurs de cette alcôve. Et je songeais, malgré moi, en contemplant ma grand-mère en bonnet de nuit, à l'une des fées des contes de Perrault ou de Madame d'Aulnoy, fée non pas malfaisante, certes, mais un peu malicieuse, pour ne pas dire despote. Dès que ma grand-mère était habillée, tout changeait. Elle devenait pour moi la fée la plus bienfaisante du monde. J'accourais sans me faire prier et contemplais toujours avec la même admiration la manière plus qu'originale dont elle faisait son lit. C'était encore l'époque des lits de plumes, et chaque matin elle nivelait les inégalités du sien à l'aide d'une aune en bois noirci par l'usage et qui restait en permanence à son chevet. Je la regardais arroser ses pots de fleurs, essuyer les lourds chandeliers d'argent qui garnissaient sa cheminée, donner un coup de plumeau au guerrier casqué qui surmontait sa pendule, attiser le feu de 3e vicaire qui brûlait sur son foyer durant l'hiver, ou s'assurer, pendant l'été, que Jésus et la Samaritaine, qui se parlaient éternellement sur le devant de cheminée, n'avaient pas trop souffert de la fuite du temps, et je soupirais d'aise. Lorsque, tout inspectée, tout bien en place, elle me permettait de m'asseoir dans sa bergère, tandis qu'elle humait amoureusement la tasse de café au lait qu'on lui servait à heure fixe. Cette bergère en velours d'Utrecht rouge, une vraie bergère Louis XVI, qui avait peut-être vu bien des marquises appuyer leur tête mignonne sur son dossier mollet, m'intriguait singulièrement. J'avais lu les contes à ma fille, et, à l'instar du fauteuil du grand-père, je me figurais qu'elle pourrait bien avoir un double fond. Aussi, lorsque je restais seule dans la chambre, je la tâtais de tous les côtés, m'imaginant qu'un ressort caché allait partir à l'improviste, et qu'une couronne de roses blanches, un bracelet, un éventail, allaient apparaître à mes regards charmés. Mais j'en fus pour mes recherches et pour ma curiosité, car je n'y découvris jamais, et au grand jamais, la plus minuscule cachette. Je touchai à ma 8e année lorsque se passa le fait suivant que je n'ai jamais oublié. Il est resté bien longtemps un de mes plus riants souvenirs d'enfance. Il s'y mêle aujourd'hui, lorsque ma pensée s'y reporte, une nuance très vive d'attendrissement. J'avais un compagnon de jeu, un jeune garçon de 12 ans, nommé Henri Cousteau. C'était l'enfant le plus intelligent qui fût au monde. Doué pour la musique d'une remarquable façon, avec cela lutin et espiègle au possible. Nous nous plaisions beaucoup ensemble, et notre plus grand bonheur, lorsque la pluie tombant à verse nous empêchait de courir dans le jardin, était de regarder des livres d'images sur la table de ma grand-mère, dans la chambre de celle-ci, et sous sa haute surveillance. Henri me faisait sur chaque bonhomme un miraculeux boniment, et je riais aux grands éclats de ses impossibles histoires. Un lundi de Pâques, il faisait un temps à ne pas mettre un dromadaire à la porte. Nous étions très absorbés par notre distraction préférée, lorsque la vieille Rosalie, la bonne qui nous a vu naître, vint dire à ma grand-mère que la comtesse de Hautemar était au salon et désirait vivement la voir. On ne pouvait songer à laisser en plan madame la comtesse, d'autant que ma mère était sortie et mon père à ses affaires. « Je descends, Rosalie, » dit ma grand-mère. « Mais alors, allez-vous rester avec les enfants ?»« Oh, impossible, madame. Hermance dort et je ne peux la quitter. »« Mais monsieur Henri est très raisonnable et il fera bien attention à Berthe. N'est-ce pas, monsieur Henri ?» 100 fois oui, Rosalie, vous pouvez en être sûre. » Et voilà ma grand-mère et Rosalie qui sortent l'une derrière l'autre, la seconde suivant la première, comme dans la chanson des trois poules qui vont au champ. Henri m'expliquait avec sa malice habituelle l'histoire du géant Galifron. Lorsque, arrivé au moment où le prince charmant épouse la belle aux cheveux d'or, il me dit tout à coup: quand tu seras grande, te marieras-tu, Berthe? Mais certainement, toutes les demoiselles se marient, n'est-ce pas? Oh non, pas toutes, mais c'est que si tu te maries un jour, il y a longtemps que je veux te demander cela, voudras-tu de moi pour ton prince charmant? Mais tu n'es pas du tout un prince charmant, puisque tu t'appelles Henri Cousteau. C'est une façon de parler, cela, Berthe. Enfin, voudras-tu de moi pour ton mari quand tu seras grande? Je ne sais pas. Tu es très gentil, mais tu n'as pas de moustache. Oh, mais j'en aurai, Berthe. Je te promets que j'en aurai. Bien sûr, bien vrai. Bien vrai, bien sûr. Alors, je pense que je me déciderai à t'épouser. Mais tu seras très complaisant. Tu m'aideras à habiller mes poupées et tu me raconteras toujours des histoires? Absolument tout ce que tu voudras. Mais tu sais, c'est pour de bon que je demande cela. Tu n'oublieras pas? Oh non, c'est bien promis. Attends, dit Henri. Pour que je sois sûr que tu te souviendras de ta promesse, je vais faire comme mon grand cousin, le jour où il a demandé mademoiselle Dinard en mariage. C'était dans la forêt, tu sais, près de la vieille fontaine. J'étais assis sur l'herbe et j'entendais toutes leurs paroles. « C'est juré, Marguerite, c'est pour la vie, » disait mon cousin en lui prenant la main. Et elle répondit: « C'est juré, c'est pour la vie. » Alors, en souriant, il tira un couteau de sa poche et grava sur un arbre un A et un M, Armand et Marguerite, puis, au-dessous, il dessina un cœur enflammé, et il ajouta: Nous reviendrons voir cet arbre quand nous serons mariés. » Et ils se sont mariés, et je suis bien sûre qu'ils iront voir l'arbre. » Et ce disant, Henri tira vivement un canif de sa poche. « Mais Henri, que veux-tu faire ? » lui dis-je. « Nous ne sommes pas dans la forêt, il n'y a pas d'arbre ici. » « C'est vrai. Attends, je vais graver un B et un H sur le montant de la croisée. Malheureux, et ma grand-mère qui l'a fait repeindre il y a un mois. Mais elle nous mettra à la cave, pour sûr. » Henri réfléchit une seconde, mais s'écria. « J'ai trouvé !» Et, s'approchant derrière la bergère, il incrusta avec son canif, sur le côté du montant en bois, de droite, un H et un B, qui avaient assez bonne façon. « Mon Dieu, Henri, mais cela se verra et... »« Non, non, sois bien tranquille. Ah, le cœur à présent, puis les flammes, puis la date. » Mais tandis qu'il commençait les premières arabesques dessinées à faire flamber nos sentiments, le pas un peu pesant de ma grand-mère retentit dans l'escalier. Brutst ! Lest et prest, le canif refermé, remis en poche, les deux enfants, très tranquillement assis à regarder Saint-Éloi gourmander le brave Dagobert, tout cela se fit en moins de temps que je n'en mets à le dire. Mon aïeule promena autour d'elle un regard investigateur, mais, ne découvrant rien d'insolite, elle se déclara satisfaite et nous octroya deux biscuits de Reims, légèrement poussiéreux, pour faire la dinette. « Je finirai les flammes un autre jour, » me dit tout bas Henri en m'embrassant au départ, « que cela ne t'empêche surtout pas de songer à ce que tu m'as promis. » Ce fut la dernière fois que nous jouâmes ensemble. On l'envoya au collège, dans une ville éloignée. Je ne l'ai jamais revu. Ma grand-mère mourut 6 ou 8 mois après ce jour-là. Je ne dirai rien des impressions lugubres de ces heures. Elles se sont à jamais gravées dans ma mémoire. Mes parents quittèrent le pays pour aller demeurer à Paris. On vendit la vieille demeure et le jardin chéri que je regardais comme un paradis de délices. On se défit aussi de plusieurs choses encombrantes, et au milieu d'elles, la vieille Rosalie, par une erreur qu'elle déplorait longtemps de longues années plus tard, laissa prendre la grande bergère Louis XVI. Je la regrettais vivement, j'y pensais longtemps avec amertume, mais ensuite le temps fit son œuvre, et j'avoue qu'un jour arriva où je ne me souvenais plus que très vaguement de son existence. Mon cher ami, j'ai vraiment du malheur. Toutes les fois qu'à une vente je guigne un vieux meuble, bon, un nouvel amateur arrive, pan, une surenchère, et comme avant tout je suis raisonnable, je reste gros gens comme devant. Mon mari, qui ne s'appelle pas Henri Coustou, car malgré mes sentiments j'ai manqué à la fois juré, sourit dans ses moustaches. Il en a. Et du petit air ironique qui lui est familier. Lorsque je me mets sur ce chapitre, là se bornent en général ses compliments de condoléance. L'année dernière, il y a, hélas, de longues années du lundi de Pâques dont il a été question plus haut. Je me promenais à Trouville même, sur la place du marché, ne songeant à nulle autre chose qu'à regarder la mer splendide et le ciel azuré, lorsque j'entends derrière moi une voix qui crie. « À 20 francs, 20 francs, personne ne dit mot ? C'est vu et entendu, hein, 20 francs ? Adjugé !» Je me retourne brusquement, et je vois sur une grande table plusieurs meubles d'une incontestable vétusté. « Ah, pour le coup, me dis-je, j'aurais bien du malheur si aujourd'hui, où il n'y a que 3 chats à la vente, je ne réussis pas à quelque chose. » On détacha du petit tas un grand fauteuil qui me plaisait assez. Le velours du trèche rouge qui le garnissait était froissé, passé, mais non déchiré. Le coussin du milieu ne manquait pas de plumes. Bref, il m'allait, ce grand fauteuil. « À 5 francs !»« 5 francs, me dis-je, risquons-nous. » Après des enchères successives à 25 centimes l'une, L'objet de mes désirs me fut adjugé pour 10 francs. Je triomphai. Et vite, un commissaire. Vite, portez-moi ceci à la maison. J'accompagne le précieux meuble, et, après avoir payé le porteur, je cours chercher mon mari et la vieille Rosalie, encore ingambe malgré ses 90 ans, pour leur faire admirer mon acquisition. Monseigneur et maître daigna trouver que je ne l'avais pas payé trop cher. J'étais enchanté. Mais jugez des sentiments qui me bouleversèrent lorsque je vis ma vieille bonne joindre les mains et que je l'entendis s'écrier. Ah, ciel de Dieu, ma fille, Jésus béni! C'est le fauteuil de ta grand-mère! Le fauteuil de ma grand-mère? Mais tu rêves, Rosalie! Oh que non! Continua-t-elle en s'animant. C'est bien cela, c'est bien lui, tout y est! La forme des pieds, le dessin du velours, tout! Jusqu'au morceau dépareillé du milieu du dossier! J'hésitais à le reconnaître, lorsque tout à coup ma mémoire s'illumina. M'agenouillant auprès du vieux meuble, je cherchais tout ému la place où Henri avait tracé nos initiales. Il y avait de si longs jours déjà. Je les trouvais sans beaucoup de peine, effacées, mais bien reconnaissables encore. Au-dessous, le cœur se distinguait imperceptiblement. Mais la flamme unique que le canif de l'enfant avait incrustée avait complètement disparu, et je ne pus m'empêcher de me dire, en souriant avec mélancolie, tandis que je déposais un baiser sur la bergère de l'aïeul, qu'elle n'avait allumé qu'un feu de paille. Noël Bazin, 1887.